Chapitre 6. Le lendemain matin, un peu après le lever du soleil, la mer étant redevenue complètement calme et les vols de mouettes, de goélands se poursuivant entre la presqu'île de Roscanvel, le Grand Gouin et la côte de Léon, la Corentine, à hauteur des Capucins, pêchait le maquereau. Une jolie brise d'est-sud-est avait succédé à la furieuse tempête apportée les jours précédents par le suroît, et rien n'était délicieux comme le spectacle de cette matinée de mai, avec son ciel bleu à peine tacheté de quelques nuages blancs très légers, glissant ainsi que des gazes minces. Dès l'aube, Garrec, à un coup d'œil jeté au-delà de la jetée, avait immédiatement reconnu qu'il y aurait du maquereau ce matin-là, tant la rade était couverte d'oiseaux tournoyant dans l'air, rasant la mer et poussant des cris joyeux. Le goéland est, en effet, particulièrement friand d'un petit poisson nommé Sprat, qui indique toujours un passage de maquereau, car il est également poursuivi par ceux-ci, dont il est le régal préféré. Généralement, la pêche se fait avec une ligne à la traîne, à l'hameçon de laquelle se trouve une amorce taillée en forme de Sprat, et il faut du vent pour que l'appât scintille sous l'eau en imitant les mouvements du poisson qu'il représente. À chaque instant, les lignes remontaient chargées, et peu à peu, la cale s'emplissait, toute miroitante d'argent, d'azur et d'émeraude, par l'entassement des maquereaux, dont les merveilleuses écailles brillaient au soleil comme un ruissellement de pierres précieuses. Tonton Corentin, aussi calme, aussi peu ému que si la veille il n'avait pas failli disparaître 20 fois au fond de cet océan, si berceur aujourd'hui, riait, causait, ne paraissait pas même se souvenir de son héroïsme, pas plus que ses compagnons ne songeaient à l'en féliciter, ni même à lui en parler. C'était là un fait si simple, si naturel chez eux, et faisant tellement partie de leur existence, qu'on les eût bien étonnés en leur adressant une pareille remarque. Parfois, sur le moment, il y a un peu d'enthousiasme nerveux, des cris de joie, des bravos, une houle d'acclamations accueillant sauveteurs et naufragés, mais cela est rare et de peu de durée. Chacun en eût fait autant si l'occasion s'était présentée. Toutes ces existences de pêcheurs et de marins ne paraissant pas compter, tant la sublime folie du dévouement coule à plein jet dans leurs veines, inonde leur cœur de sa liqueur généreuse. Ils vont à la mort comme on va au devoir, sans hésiter, sans regret, la nuit, le jour, à toute heure, en toute saison, dans une simplicité instinctive d'être dont le métier est de se sacrifier, de sauver, de périr pour les autres, de quitter ce qu'ils aiment le mieux pour courir au secours d'inconnus en péril mortel. « Pauvre petite Yvonne !» murmurait par instant Garrec, en amenant posément sa ligne au bout de laquelle se débattaient quelques belles pièces. En effet, il ressentait une certaine satisfaction d'avoir recueilli la malheureuse enfant, un contentement plus grand d'avoir contribué à la sauver que s'il avait eu affaire à quelque robuste pêcheur capable de se défendre, de lutter contre la mer. Cette innocente l'attendrissait comme un tout petit enfant, inconscient du mal et de la souffrance. Son cœur avait de ces douceurs amollissantes pour tout ce qui était faible, pour tout ce qui était désarmé contre la violence de la nature ou des hommes. Rien de plus touchant aussi que de le voir soulever entre ses mains énormes quelques bambins rieurs, de remarquer la délicatesse étonnante avec laquelle ses grosses pattes, semblables à des pinces de homard par leur dureté, leur couleur cuite, l'épaisseur de leur cuir, enveloppaient sans les blesser les membres dodus et roses des tout-petits. On sentait une âme tendre et bonne, d'une bonté quasi maternelle sous la rude écorce du pêcheur. « Pauvre petite Yvonne, tout de même !» Il hochait la tête, réfléchissant à ce qu'elle avait dû souffrir, à ce qu'elle avait supporté sur cet écueil où, en compagnie de l'arvor et de son mousse, elle était restée toute une nuit et près d'un jour, environ 20 heures, sans boire ni manger, n'ayant pour toute nourriture que les coquillages collés aux rocs. Il lui avait fallu résister aux incessants assauts de la mer, dans les ténèbres qui affolent, dans le froid des lames qui l'inondaient sans arrêt, dans la pluie implacable de l'écume grondante s'abattant sur elle pour l'arracher de son refuge. Puis, ce dernier danger couru, le plus terrible peut-être, quand, attaché lui-même à un grelin, il avait nagé en la portant, roulé par les vagues, à demi asphyxié, ne sachant pas s'il pourrait jamais atteindre le canot. Ma foi, il pouvait bien se l'avouer à présent. Dans la calme et heureuse sérénité de cette splendide matinée, il avait cru y rester. déjà épuisé par le sauvetage du mousse, ne parvenant plus à se haler le long des flancs élevés et glissants du bateau. Sans les efforts réunis des camarades, il se fut noyé avec elle, n'y voyant plus, le souffle perdu, à bout de force, après tant d'heures passées debout, après surtout ce suprême assaut donné aux vagues lorsqu'il avait dû se cramponner à l'écueil. Un petit rire chanta le long de ses grosses lèvres saines, montrant l'éclat des dents robustes, car, maintenant, tout cela lui revenait, tandis qu'il était là, à pêcher sans fatigue, ses bras herculéens n'ayant plus à manœuvrer qu'une mince ligne qui glissait entre ses doigts. Encore un maquereau de fameuse taille que l'hameçon crochait à pleine gueule. Il le saisit, arracha le fer ensanglanté et, le jetant sur le tas, « Plus de 100 que ça fait !» Un des hommes qui avait compté riposta. « 121, patron !» Il n'y avait pas une heure qu'on était au large, dans le bercement caresseur des vagues. Tout allait bien. Il remua la tête de plaisir, ses yeux couleur d'eau marine, tout semés de paillettes vibrantes, faisant, sur une intonation chantante, « Ah, ah, ah, ah !» Cette musique le ramena encore à Yvonne. Un saisissement le prit, car il se rappelait. Elle chantait, le pauvre cœur. C'était vrai. Dès qu'elle s'était retrouvée sur pied dans le canot, encore suffoquée, l'eau coulant de ses cheveux dénoués, de ses jupes, on l'avait questionnée dans une hâte d'avoir des renseignements, de savoir si elle avait souffert. On avait pu en tirer une réponse. Elle semblait écouter quelque chose très loin. Au milieu de la tempête, par moments, une cloche lente semblait teinter un glas dans le brouhaha des vagues. Elle pencha la tête, oubliant le rugissement des flots, le froid qui la blêmissait, et un sourire monta sur sa face pâle, sous les blonds cheveux collés à son front, à ses joues, à ses épaules. Corentin écoutait aussi. Il avait fait « La Vendrée qui chante à cette heure, mauvais signe. Heureusement que nous avons le flot pour nous. » On passait devant Penhat, dans des tourbillons d'écume qui blanchissaient toute la côte d'une eau de savon mousseuse et neigeuse. Comme toujours, attiré par cette cloche qui semblait aller éveiller au fond d'elle de mystérieuses affinités, Yvonne, les mains appuyées au bordage, à demi relevée sur ses genoux, se penchait davantage encore vers la pleine mer. Et voilà qu'elle s'était mise à chanter de son étrange voix de folle. « Nihu salut get cavante, Juan esser saintag en elle. » Surpris, les rameurs avaient failli en laisser échapper leurs avirons, reconnaissant l'Angélus breton, dont François Copé nous a donné l'exquise adaptation. La cloche sonne, l'Angélus. La terre a donc un jour de plus. Sainte Vierge Marie, ô Pia, à jamais sois bénie, Ave Maria. On sent la bonne odeur du foin, l'étoile brille au ciel de juin. Sainte Vierge Marie, ô Pia, à jamais sois bénie, Ave Maria. Au milieu de cet affolement des éléments, c'était saisissant et délicieux ce chant de paix et de foi douce, dont les syllabes celtiques s'élevaient, étranges, en une incantation mystique, montant de cette pauvre barque qui bondissait dans le mugissement et la furie des lames. Ils avaient eu, un moment, l'impression de quelque chose de surnaturel se produisant miraculeusement pour les encourager, les protéger, comme si un ange fût venu parmi eux prendre la forme passagère de cette innocente. Tonton Corentin lui-même, songeant aux légendes, n'avait pu s'empêcher de tressaillir, se demandant si c'était bien Yvonne qu'il venait de sauver, ou si c'était seulement quelque fugitive apparition qui allait s'évanouir lorsqu'il se trouverait en sûreté à Camaret. Toute la nuit, ce souvenir l'avait poursuivi, puissant sur son cerveau de simple, et cela lui revenait maintenant, ramenant en lui sur sa bouche le chant pieux « Niu salut get carante ». « On dirait la Marianne là-bas, » fit un des hommes. Garrec, brusquement arraché à sa rêverie, mit en abat-jour une de ses mains au-dessus de ses yeux. « C'est ma foi vrai. Si c'est pour le maquereau, Hervé ne s'est pas levé assez tôt, mais il en trouvera encore. » Paisiblement, il se remit à la besogne, mais cela avait détourné ses idées, qui se reportèrent sur Marianic, en même temps que ses sourcils se fronçaient un peu à la pensée de ce revenant, toujours dressé entre eux, bien que le consentement de Pierre Guivarc et la parole de la jeune fille eussent dû le tranquilliser. Au lieu de piquer dans la direction du Grand Gouin, la barque filait droit sur la Corentine. Ayant vent arrière, elle se rapprochait rapidement, penchée sur le flanc gauche, coupant la mer de son avant effilé. À l'arrière, un homme debout, appuyé à la barre, paraissait regarder du côté des pêcheurs de maquereaux. Elle vient sur nous, patron, observa le mousse. Tiens, tiens, peut-être qu'il croit l'endroit bon. Il n'a pas tort, riposta Garek. Intérieurement, il revoyait ce jour où, revenant de la pêche à la sardine, Hervé l'avait accosté pour lui causer si drôlement de Marianique. N'allait-il pas encore venir lui chercher Noise ? Ses poings se crispèrent malgré lui, et sa figure bonasse eut une contraction de colère, pendant que, tout au fond de lui, dans ce limon vaseux du cœur humain, même le plus honnête, même le plus parfait, courait sourdement le vague regret de l'avoir sauvé aux pierres noires, et sauvé malgré lui. Il voulait mourir, j'aurais dû le laisser. La Marianne accostait la Corentine. Au moment où Garek, essayant de chasser sa mauvaise humeur, relevait la tête, ses regards rencontrèrent les yeux d'Hervé, des yeux plutôt attristés et honteux que durs et haineux, comme d'habitude. Ce fut le revenant qui débuta. « Corentin, nous étions amis autrefois, quand nous jouions sur le quai. T'en souviens-tu encore ?» Le patron du canot de sauvetage, le visage détendu, tout surpris, répondit « Je ne l'ai jamais oublié, moi. Je ne demande qu'à l'être toujours, tu le sais bien. » Guivarc semblait gêné. Les paroles sortaient péniblement de sa gorge, serrées par l'angoisse, par une souffrance intense. « Tu as sauvé Yvonne. Je ne t'ai pas encore remercié. Elle te doit, nous te devons la vie, tous les deux. Car moi, moi aussi. » Sa voix trembla. « Je ne veux pas que ce soit pour ton malheur. Tu es meilleur que moi. Là-bas, on m'a perdu, on m'a rendu mauvais. Et puis, ici, mon retour, personne, plus personne. » Corentin, très embarrassé, roulait et déroulait une ligne sur ses doigts, tandis que cet échange de paroles avait lieu entre eux à voix basse, il dit « Et moi, Hervé, ton ami, tu aurais dû penser. » L'autre leva la main d'un geste désespéré, balbutiant. « Elle ? Ah, pourquoi ?» Il n'acheva pas, se dominant. « Marianique sera ta femme. Tu en es plus digne qu'un mauvais gars de ma sorte. J'étais fou. Est-ce qu'avec moi, avec le revenant, elle pouvait ? Oh, quand on a eu mes aventures, mon existence, si on savait. » Un rire sinistre, où grelottait comme un secret sanglot, coupa net sa phrase, sans qu'il achevât tout haut sa pensée. Mais il tendit la main, affirmant « Nous voilà cousins, Garek !» Pas une parole ne s'échappa de la bouche de celui-ci, rien que des remerciements trahis par la grosse grimace de joie des traits, par la rude étreinte des doigts broyant la main qui lui était tendue. Ce ne fut qu'après un long moment de mutisme, sous l'étonnement de cette conclusion inattendue, que Corentin put s'exclamer. « Je suis heureux, heureux !» Déjà Hervé Guivarc, ayant largué l'amarre qu'il appliquait contre la Corentine, la Marianne filait vers le large. Elle disparaissait derrière le bec du grand gouin que Garek répétait, le cœur noyé de joie. « Je suis heureux !»